Ésaïe chapitre 11. Mais il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe, et un surgeon croîtra de ses racines. Et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sapience et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de science et de crainte de l'Éternel. Et il lui fera sentir la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera point sur la vue de ses yeux, et ne reprendra point sur l'ouïe de ses oreilles. Mais il jugera avec justice les chétifs, et il reprendra avec droiture, pour maintenir les débonnaires de la terre, et il frappera la terre par la verge de sa bouche, et fera mourir le méchant par l'esprit de ses lèvres. Et la justice sera la ceinture de ses reins, et la fidélité, la ceinture de ses flancs. Le loup demeurera avec l'agneau, et le léopard gîtra avec le chevreau. Le veau et le lionceau, et le bétail qu'on engraisse, seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La jeune vache paîtra avec l'ours, leurs petits gîteront ensemble, et le lion mangera du fourrage comme le bœuf. Et l'enfant qui tète s'ébattra sur le trou de l'aspic, et l'enfant concevra mettra sa main au trou du basilic. On ne nuira et on ne fera aucun dommage à personne dans toute la montagne de ma sainteté, parce que la terre aura été remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. Car en ce jour-là il arrivera, que les nations rechercheront la racine d'Isaïe, dressée pour être l'enseigne des peuples, et son séjour ne sera que gloire. Et il arrivera en ce jour-là, que le Seigneur mettra encore sa main, une seconde fois pour acquérir le résidu de son peuple, qui sera demeuré de reste en Assyrie, en Égypte, au pays de Patro, de Chu, d'Élam, de Sinar, de Hamat, et dans les îles de la mer. Et il élèvera l'enseigne parmi les nations, et assemblera les Israélites qui auront été chassés, et recueillera des quatre coins de la terre, ceux de Juda qui auront été dispersés. Et la jalousie d'Éphraïm sera ôtée, et les oppresseurs de Juda seront retranchés, Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda n'opprimera plus Éphraïm. Mais ils voleront sur le collet aux Philistins, vers la mer, ils pilleront ensemble les enfants d'Orient, et Dôme et Moab seront ceux sur lesquels ils jetteront leurs mains, et les enfants de Ammon leur obéiront. L'Éternel exterminera aussi à la façon de l'interdit la langue de la mer d'Égypte, élèvera sa main contre le fleuve par la force de son vent, et il le frappera sur les sept rivières, et fera qu'on y marchera avec des souliers. Et il y aura un chemin pour le résidu de son peuple qui sera demeuré de reste en Assyrie, comme il y en eut un pour Israël au temps, qu'il remonta du pays d'Égypte.